Le restaurant Midas vous invite à venir profiter de l'été et vous offre pour tout le mois de juillet sa nouveauté, le Bubble Tea, à 4$ plus taxes seulement. Le restaurant Midas de Saint-Félicien, c'est une des meilleures poutines au Québec. C'est le poulet barbecue, le poulet frit, la pizza, le bar laitier et les déjeuners. Que ce soit en salle à manger ou pour emporter, c'est le restaurant Midas. Route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas souhaite un franc succès aux organisateurs du championnat québécois de vélo de montagne qui aura lieu ce week-end à Saint-Félicien. On va parler avec le joueur des Saguenay-Lac-Chicoutimi, Raphaël Harvey-Pinard, qui a connu des belles semaines d'émotions, chargé d'émotions la semaine dernière. Il a été repêché par les Canucks, par le Canadien de Montréal, à Vancouver, et par la suite, il a participé au pré-camp de sélection. Question de savoir un peu comment il est revenu de tout ça. On lui parle. Salut, Raphaël. Salut. Raphaël, d'abord, moi, je veux te dire, j'ai été très surpris que tu aies été repêché. Je m'aurais attendu une invitation au camp d'entraînement, mais d'avoir été repêché, est-ce que tu as été surpris? Ben oui, j'ai été surpris, c'est sûr. Je pense que c'est quand même rare qu'il y ait des joueurs de 20 ans jouent sur mes 19 ans, mais j'ai 20 ans quand même qui sont repêchés. D'habitude, tu es plus de 17-18 ans. Donc, c'est une belle surprise. Mais en même temps, j'avais eu des rencontres, je savais qu'ils étaient intéressés, puis je suis content qu'il est destiné de me repêcher. Oui, est-ce que tu avais eu des pourparlers avec le Canadien avant le repêchage? Oui, j'avais rencontré l'organisation. J'étais également allé à leur combine pour les tests physiques. Donc, je savais qu'il y avait un intérêt, mais au départ, je pensais qu'ils allaient seulement m'offrir une invitation à leur camp. Mais comme je viens de dire, je suis vraiment content qu'ils m'aient repêché. Je trouve que c'est une très belle marque de respect pour moi. Étais-tu à Vancouver? Non, j'étais pas à Vancouver, ouais. Je regardais ça dans mon salon. Ah, ok. Donc, c'est pour ça, parce que c'est d'autant plus surprenant, j'imagine, là, parce que dans le fond, toi, tu devais regarder ça comme partisan, spectateur, et non comme joueur qui allait être repêché, j'imagine, là. Ben, je regardais le repêchage, c'est sûr, j'espérais voir mon nom sortir, mais je regardais principalement le repêchage à la TV pour mes amis qui allaient sortir dans différentes équipes. Il y a Alex Bocage avec nous autres qui est sorti en troisième ronde. Donc, c'était pouvoir regarder ça pour eux autres et les féliciter suite à leur repêchage. Est-ce que tu as eu. Est-ce que le Canadien, par la suite, t'es allé à Montréal au pré-camp de sélection, est-ce que le Canadien t'a parlé, c'est quoi leur plan? Est-ce que Laval est une option pour toi ou vraiment il faut s'attendre que tu vas jouer avec les Saguenay? En fait, il n'y a aucune décision de prise par l'organisation, puis ça va vraiment dépendre de mon camp au mois de septembre. Okay. Pour moi, je vais arriver là-bas, je vais donner mon maximum, puis ensuite de ça, je vais laisser l'organisation décider de mes plans pour le futur. Là. OK. Est-ce que t'as le pré-camp de sélection, est-ce que t'as trouvé une différence entre le hockey junior? Parce que là, c'est quand même des joueurs tous repêchés, c'est quand même des joueurs physiquement qui sont quand même un apogée. Il y a des joueurs, là, Ryan Pelling a participé, puis c'est un homme là-dedans. Des joueurs de la Ligue américaine, t'as-tu trouvé une différence pareille de jeu et ainsi de suite? Oui, c'est sûr qu'il y a une bonne différence de jeu entre ces deux calibres-là. Je pense que c'est beaucoup plus rapide. Tout le monde a un sens du jeu qui est vraiment élevé. Donc, ça fait que c'est du bon hockey. Mais en même temps, je l'avais vécu à Las Vegas l'année dernière. Donc, je savais un peu à quoi m'attendre. Donc, je savais que ça allait être un calibre élevé là-bas. OK. Là, tu vas faire quoi, là? Est-ce qu'on t'a dit après ça, un programme à faire pour cet été? Pas précisément, mais... ils m'ont demandé si c'était possible peut-être d'aller passer une deux semaines à Montréal juste pour faire un suivi avec moi de mon entraînement. Mais pour moi, en général, ça va être un gros été d'entraînement autant hors glace dans le gym que ça sur la patinoire. Faut que j'ai des choses à améliorer. Puis c'est durant l'été que tu fais ce genre de choses-là. Toi, tu vas te présenter au camp du Canadien avec quelle optique? Est-ce que c'est sûr, on parle pas du grand club, là, mais est-ce qu'on parle de Laval ou Chicoutimi ou vraiment tu vas viser Laval? Là? Ben moi, mon objectif, c'est ça ne m'arrange vraiment pas de revenir à Chicoutimi. On va avoir une très belle équipe, mais en allant au camp, mon but, c'est de me prouver, de montrer que je suis capable de jouer dans la Ligue américaine. Ouais. Puis c'est avec ce mindset-là que je vais arriver au camp, puis je vais m'entraîner vraiment fort dans le gymnase été, justement, pour arriver dans la meilleure condition possible là-bas. OK. Ben, Raphaël, bravo, merci beaucoup, et au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Raphaël Harvey-Pinard des Saguenay-Chicoutimi et du Canadien de Montréal.